êtes à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bonsoir et bienvenue à cette émission de Chérie, m'écoutes-tu? Cette dernière émission de l'édition estivale, car comme vous le savez, demain, c'est l'automne et oui, déjà, on se prépare tranquillement à cette belle saison. Et donc, pour parler un peu de musique, ce soir, on aura droit à une émission avec diverses formations comme à l'habitude. Et notamment, on entendra les formations Mickey 3D, Émilie Simon, Off Montreal et Egregore. Et plus encore, bien évidemment. Et on aura notamment, comme je le mentionnais, pour ce qui est de Mickey 3D et Émilie Simon, à des extraits de leur nouvel album à paraître demain. Et donc, sans plus tarder, on va se lancer en musique, tout d'abord avec un bloc anglophone. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes estivales pour aujourd'hui de C'est fou 89.1 FM. break it. Just because I can. Because I can. Because I can. Because I can. Because I can. Because I can. Because I can. Because I la formation Off Montreal, qui est une formation américaine avec la pièce Oslo in the Summertime de leur 7e album studio du nom de The Sunlandic Twins, qui est paru en 2005. Et j'ai fait quelques recherches aujourd'hui sur Off Montreal et un 10e album au nom non officiel de False Priest devrait paraître en 2010. Et c'est une formation qui est active depuis 1996, donc avec déjà une très bonne et très longue discographie que je vous invite à écouter si vous aimez la pièce qu'on a entendue, qui est une pièce plutôt tranquille d'Off Montreal, qui est un groupe vraiment éclaté, vraiment spécial. Vous pouvez également aller voir leurs vidéos qui vous donneront une bonne idée de ce qu'ils peuvent faire en spectacle aussi. Et ensuite, avant Off Montreal, on avait la formation Mother Mother qui est active depuis 2005 avec la pièce Wrecking Ball de leur album Oh My Heart, qui est leur deuxième album paru en 2008. Et c'est une formation de Vancouver qui fait dans un rock plutôt pop. Et c'est très accessible, léger et efficace. Et ça me plaît bien. L'album est très bon. Et encore une fois, si vous avez apprécié la pièce, vous risquez d'apprécier en fait leur deuxième album, puisque c'est le seul album que je connais de cette formation, que je vous invite à découvrir, une excellente formation canadienne. Et tout juste avant, on avait le groupe The Pains of Being Pure at Heart, d'un album éponyme. La pièce qu'on a entendue, c'est Young Adult Friction. Et cet album-là est leur premier album paru en février dernier. Et c'est vraiment une formation qui fait dans le vieux. Donc, c'est vraiment l'art de faire du neuf avec du vieux, au sens où ça nous rappelle des formations comme Joy Division, mais en plus rock, ou The Smith, ou autres formations. Autre formation qui faisait dans ce genre de rock un peu feutré. Et donc, si vous avez apprécié, eh bien, c'est le seul album que vous pouvez écouter de cette formation qui s'appelle, je le répète, « The Pains of Being Pure at Heart ». Et c'est ce qui complète ce bloc anglophone. Et comme à l'habitude, on va se tourner du côté francophone avec un bloc plutôt électro. Tout d'abord, avec le projet de Grégory Lemay qui s'appelle Égrégore. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu jusqu'à 19h avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Yeah. J'ai perdu la voix. J'ai tout mis dans mon sac à dos. Et j'ai tracé tout droit. Méfie-toi l'escargot. J'en ai connu des combats. Et quand la neige deviendra bleue, t'auras perdu tes yeux. Qu'il y a des paroles qui tuent, des refrains qui remuent. Qu'il y a du bruit dans la rue. Je sais bien hein, qu'à la fin, c'est toujours pareil. Je sais bien hein, quand je m'entraîne. Je sais bien hein, qu'à la fin, c'est toujours pareil. Je sais bien hein, quand je m'entraîne. J'ai pas dit aux oiseaux. Tu les aimais pas. J'ai pas réveillé les corbeaux qui n'attendaient que ça. Méfie-toi l'escargot. J'en ai perdu des combats. Mais j'ai gardé dans mon cerveau quelques traces de toi. Qu'il y a des paroles qui tuent, des refrains qui remuent, y a du bruit dans la rue. Je sais bien hein, qu'à la fin, c'est toujours pareil. Je sais bien hein, quand je m'entraîne. Je sais bien hein, qu'à la fin, c'est toujours pareil. Je sais bien hein, quand je m'entraîne. C'était la formation Mickey 3D avec la pièce « Méfie-toi l'escargot » d'un album à paraître demain qui va être du nom de La Grande Évasion, qui est leur cinquième album studio, si je ne m'abuse. Et en fait, c'est ça, cet album-là, l'extrait qu'on a entendu, c'est l'extrait le plus électro et le plus accrocheur de cet album qui n'est pas à cette image, ou plutôt à ce son, parce que l'album est plutôt varié, mais quand même assez tranquille. Je vous dirais là, que c'est pas là, électro et ça bouge pas autant que cette pièce-là, que j'aime bien parce que, bon, ça déménage un peu plus. Et j'ai bien aimé également une pièce sur cet album-là qui s'appelle « La footballeuse de Sherbrooke » parce que ça m'a fait bien sourire, en fait, parce qu'il parle effectivement d'une joueuse de football de l'université de Sherbrooke qu'il aurait rencontrée et qu'il aurait fréquentée à un moment donné. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais faudrait que je lui demande, tout simplement. Tout ça pour dire que c'est ma petite mini critique de l'album. Et bon, je pourrais peut-être là, faire un petit lien pour dire que j'anime deux chroniques culturelles le matin lors de l'émission La Pilule du lendemain. Et demain, justement, Je prendrai cette chronique pour faire la critique complète de cet album, La Grande Évasion de Mickey 3D. Donc ça, ça a lieu mardi matin demain à 8h30 et sinon également le mercredi à 8h15 avec une autre critique disque qui va être cette fois-ci une critique du disque d'Émilie Simon qu'on va entendre un peu plus tard ce soir dans l'émission. Et donc, avant Mickey 3D, ce qu'on a entendu, c'est la Patère Rose de leur album éponyme avec la pièce Pépé. Et la Patère Rose qui a beaucoup joué sur les radios universitaires et C'est fou ne fait pas exception. Et donc, c'est une très bonne formation qui fait dans l'électro avec, en fait, Fanny Grosjean accompagnée des musiciens ou plutôt de deux membres du groupe Mister Valère. Donc, si vous appréciez Mister Valère, vous risquez d'apprécier également la Patère Rose. Et ils sont au Cactus de Victoriaville le 9 octobre prochain à 20h. Donc, c'est un vendredi pour les intéressés. Sinon, il y a d'autres dates ailleurs au Québec. Je vous mentionne simplement le lieu le plus près de Trois-Rivières, mais vous pouvez consulter leur site web pour connaître les autres dates. Et tout juste avant, on avait le projet de Grégory Lemay qui s'appelle Égrégore avec la pièce « Je ne veux pas te connaître » de l'album « L'amour à perpétuité » qui est paru en janvier dernier. Et pour ceux qui connaissent le husky, on ne peut pas ne pas faire un lien au sens où ça ressemble assez... c'est assez frappant la ressemblance qu'il y a entre ces deux formations-là. Et comme le husky a fait irruption dans le monde musical avant Égrégore, c'est difficile, on dirait, d'entendre ce projet-là et de pas constamment se dire que c'est très influencé par le husky, même si c'est probablement pas le cas. C'est simplement que c'est le même genre de rock, le même genre de côté lugubre assez lourd, à la différence que Égrégore est beaucoup plus chargé, beaucoup plus... c'est un fouillis auditif, là, parfois, certaines pièces. Ça m'a pas empêché d'apprécier ce que j'ai entendu. J'aime quand même ce qu'il fait, puisque j'aimais beaucoup le husky également. Mais malheureusement, j'arrive pas à décrocher de ce lien que je fais. Donc voilà, c'est encore une fois ma mini-critique de ce qu'on a entendu, mais c'est excellent quand même, j'ai bien aimé. Et donc, on va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on va retourner du côté anglophone avec un bloc, encore une fois, électro. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter le profil MySpace de l'émission pour connaître la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir ou lors d'émissions antérieures. Il vous sera également possible de télécharger la balado-diffusion de l'émission de ce soir ou d'émissions antérieures, encore une fois. Et l'adresse, c'est le www.myspace.com/c'est fou chérie, sans accent. Et vous aurez également un lien vers les MySpace des artistes respectifs qui ont joué à l'émission de ce soir. Donc, on se quitte avec une courte pause et au retour, ce bloc anglo-électro. Vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu jusqu'à 19h en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez C'est fou C'était la formation suédoise de Knife qui en fait un duo de musique électronique avec la pièce Got to Let You de leur deuxième album Deep Cuts, paru en 2003. Et cette formation que j'apprécie, que je ne m'en cache plus, que je l'aime, c'était bien dit, c'était très très bien dit. C'est un frère et une sœur et la sœur ou la fille de ce groupe fait également un projet solo du nom de Fever Ray. Et donc, si ça vous intéresse d'entendre cela, ça jouera la semaine prochaine à l'émission puisque l'émission sera consacrée au Festival international de musique Pop Montréal. Et comme elle figure à la programmation, on la fera passer en onde assurément puisque ce sera également son premier passage en sol québécois puisque la formation de Knife n'est jamais venu à Montréal faire une prestation, chose qui est très décevante. Et donc, on en profitera pour voir Fever Ray et donc voir la moitié de The Knife. Tout juste avant, on avait Émilie Simon, qui est une auteure-compositrice-interprète française avec la pièce Dreamland de l'album The Big Machine qui paraîtra demain. Il s'agit de son quatrième album et cette fois-ci, il sera entièrement en anglais. Elle qui chantait auparavant en français, principalement avec quelques pièces en anglais. C'est également Émilie Simon qui a fait la trame sonore du film, ou plutôt du documentaire « La marche de l'empereur », pour ceux qui ont eu la chance de voir ce superbe film. Et Émilie Simon, donc, je mentionnais, qui est une artiste particulière. Je vous dirais que sur cet album-là, ce qui est le plus frappant, c'est que sa voix ressemble beaucoup à Kate Bush, pour ceux qui connaissent cette grande dame de la musique. Et Émilie Simon, qui est aussi celle qui produit entièrement ses albums, donc c'est une espèce de Björk, une espèce d'ingénieur du son. Et donc, c'est ça, c'est très intéressant sa démarche. Et je vous invite également à aller voir son site Internet qui est de toute beauté. Et donc, tapez simplement Émilie Simon dans un moteur de recherche quelconque et vous tomberez sans trop de problèmes sur son site Internet. Et au début du bloc, de ce bloc électro-anglophone, on avait Chad Van Galen, qui est un auteur-compositeur-interprète originaire de Calgary, avec une pièce de son troisième album. Donc, la pièce se nomme TMNT Mask et l'album se nomme Soft Airplane, qui est paru en 2008. Et c'est vraiment un artiste à découvrir, ce Chad Van Galen. Et c'est également lui qui illustre et qui anime ses vidéoclips. Donc, sans trop de problèmes, vous pourrez trouver ça également. Et je peux également vous inviter à consulter, si vous avez envie de connaître davantage les artistes qui sont passés en onde et d'avoir un peu des critiques plus complètes de disques, notamment, vous pouvez consulter le blog musical Sophie aime la musique, qui est mon blog musical. Donc, vous pouvez simplement taper Sophie aime la musique dans Google et vous trouverez ce blog pour ceux qui ont envie peut-être d'avoir encore plus de critiques et de commentaires. Donc, c'est possible de lire tout ça sur ce blog. Et l'émission va bientôt se terminer. On va tout de même aller vers un bloc un peu plus folk francophone avec deux pièces et on se retrouvera avant de se quitter pour la soirée. Donc, ce qu'on va entendre, c'est tout d'abord Philippe B avec une pièce de son deuxième album Taxidermie. La pièce qu'on va entendre se nomme La ville est là. Donc, on écoute ça tout de suite sur les ondes de CIFU 89.1 FM. D'étoiles électriques, déjà les oiseaux métalliques volent plus bas et la radio capte les voix des animaux d'Amérique. 100 000 fréquences qui dansent au bout de mes doigts. La ville est là, la, la, la, la, la, la, la ville est là, la, la, la, la, la, la, la ville est là, la, la, la, la. Entends-tu se noyer le moteur? Je vois des lunes artificielles dans les vapeurs de diesel. Et je vois 100 000 toits, oui, mais un seul fait pour toi et passé la journée étendu dans mon lit, toute la ville a la grippe. Moi je meurs d'ennui, si au moins je pouvais être malade comme ceux qui ont une raison pour être malheureux. Pour être malheureux. Plusieurs gens m'ont dit que l'attente est un chant, un sonnet de mots qui allonge le temps. Je pensais être capable de plus avoir peur, mais rester célibataire m'empoisonne le cœur. Je suis comme cette ville, tout seul sur mon île. Le cœur en exil, malade comme la ferme-toi les yeux et recense les muses de ton mieux. Mais mon meilleur ami m'a dit ouvre-les, regarde dans la rue, évite ton reflet. J'ai fait ce que j'ai pu, suivre mes instincts, mais dans la clarté je perds tous mes moyens. Je préfère rêver qu'un jour dans la noirceur une étoile viendra me chauffer le cœur. Je suis comme cette ville, tout seul sur mon nez, le cœur en exil. On vient d'entendre l'indice avec la pièce « Malade comme la ville » de l'album « Le jour après Noël » qui est paru tout récemment, début 2009. Et donc, il y a deux dates présentement à Montréal, soit le 9 et le 25 octobre, si vous avez envie d'aller voir l'indice. Vous pouvez consulter son site Internet pour avoir les lieux exacts. Tout juste avant, on avait Philippe B. avec la pièce « La ville est là » de son deuxième album « Taxidermie » paru en 2008. Et pour l'instant, il n'y a aucune date pour Philippe B. C'est plutôt, ça a l'air d'être plutôt sur le neutre en ce moment. Probablement qu'il prépare quelque chose, qui sait. Et donc, l'émission va se terminer dans quelques minutes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'émission. Et tout de suite après, on se quitte pour le voyage insolite avec Frédéric Durand qui va suivre à 19h. Et donc, on va se quitter pour l'instant avec une pièce de la formation canadienne The Organ. Et je vous invite à être à l'écoute de l'émission la semaine prochaine, puisque l'émission sera consacrée au Festival Pop Montréal qui se tiendra à Montréal du 30 septembre au 4 octobre prochain. C'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM.